Buongiorno. Bon, mon Dieu. Il y a des polyglottes ici, là. Genèse 41. 41. Mais la prière de Pierre reste valable, pareil. Cinquante-sept versets là, ça veut dire qu'on peut avoir plein de sujets dedans. Mais il faut en choisir un. C'est le défi. Et celui que, dans lequel Dieu m'a conduit, c'est vraiment la foi dans l'épreuve. Jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est que Dieu a un plan. Il a un plan merveilleux, il a un plan glorieux pour Jacob et pour sa famille. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à côté Joseph, l'amener en Égypte pour préparer l'accomplissement de son plan. Et cette compréhension va devenir d'autant plus importante dans les prochains chapitres. Au-delà des circonstances familiales qu'on a vues ensemble, au-delà des personnes, des individus, Dieu a un plan. Et c'est donc la foi de Joseph que Dieu va utiliser pour accomplir son plan. Il va mettre sur son chemin des personnes qu'on a tous vues, pour ceux qui étaient présents dans les dernières semaines, là. Ses frères dont on a parlé, Potiphar, etc., là, en prison, il va avoir d'autres personnes. Et il va mettre devant lui aussi des circonstances difficiles, très difficiles. Il va faire la prison injustement, parce qu'il est soupçonné de tentative de viol, carrément. Là. Et toutes ces circonstances-là, là, constituent des épreuves difficiles dans la vie de Joseph. Et ce qu'on regarde ce matin, c'est comment Joseph les traverse. Et à partir de 41, après, c'est un autre Joseph, là. C'est plus le Joseph en prison, etc., qu'on voit. On va voir un Joseph glorifié, là, élevé à la gloire. Je laisse ça au prochain. Mais pour faire la transition aujourd'hui, là, ce que je vais vraiment regarder, c'est la foi de Joseph dans les épreuves qu'il traverse jusqu'ici. Pourquoi? Parce que dans un autre contexte, dans 1 Corinthiens 10, 11, le Saint-Esprit nous dit, Paul dans ce contexte-là nous raconte les épreuves que Israël a vécues dans le désert. Il nous dit que ces choses-là leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ça vaut pour eux, ça vaut pour ce qui est arrivé à Joseph. Et elles ont été écrites tels qu'on les lit aujourd'hui, pour notre instruction. C'est-à-dire pour qu'on se les approprie, qu'on se les applique à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ou nous qui vivons ces temps qui sont proches de la fin, proches du retour du Seigneur. Donc, c'est vraiment dans cet esprit que je vous propose de lire le chapitre de ce matin. Je vais le lire, c'est facile à lire, c'est de la narration, c'est long, c'est une belle histoire, super belle histoire racontée. C'est facile à lire, mais quand je vais parler là-dessus, je vais m'appuyer sur des sections bien précises, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de l'histoire. Est-ce que vous y êtes? Le chapitre commence par au bout de 2 ans. Ce qui se passe avant, c'est que, on l'a vu avec Pierre au chapitre 40, c'est qu'il y a eu 2 serviteurs du roi, là, qu'on a appelé chef des pantiers et chef des échansons, qui ont été emprisonnés, ils ont eu des songes. Joseph a interprété leurs songes. Les choses sont arrivées telles que annoncées par Joseph. Et nous sommes au bout de 2 ans de ces événements-là. Au bout de 2 ans, je vais commencer à 23 du chapitre 40, si vous permettez.

Donc je répète, Dieu nous montre trois attitudes que nous devons imiter dans la foi de Joseph. C'est ce que je vais regarder avec vous. Je ne reviendrai pas tout le temps dans la narration, mais je vais revenir et je vais venir relire certaines sections précises du texte. La première attitude, c'est s'attacher aux promesses de Dieu. Si on recule, on l'a fait la semaine passée avec Jean-Claude, on a reculé de deux chapitres. On est revenu sur 37 et 39. Si on recule et qu'on relit les songes de Joseph, je vais vous les lire, c'est très facile, ça tient sur deux versets les premiers, un verset le second. Donc, le songe de Joseph que Joseph avait eu quand il était dans la maison de son père, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être vendu par ses frères, si vous vous souvenez. Il leur avait dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ça, c'est son premier songe. Le deuxième songe, au verset 9, il dit, il y eut encore un songe, il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Si on avait à interpréter les songes de Joseph aujourd'hui, on dirait, si Dieu t'a montré la chose deux fois, c'est un même songe, ce qui va se hâter de l'exécuter. Et c'est ce que Dieu va faire avec Joseph. Il va mettre en œuvre dans la vie de Joseph les songes que Joseph avait eus. Joseph, petit rappel, petit survol très rapide. Donc, Joseph est envoyé par son père qu'il aime vers ses frères. Il est le fils bien-aimé de son père. Il est envoyé vers ses frères. Il est pris en haine par ses frères, il est vendu, il a 17 ans. Et Jean-Claude nous a très bien expliqué comment ça ressemble terriblement à Jésus. Il est fait esclave en Égypte, il est fait prisonnier, il est non seulement esclave, mais prisonnier. De là, à 41, il s'écoule 13 ans. Il a 17 ans quand il est vendu, il a 30 ans quand il se présente devant Pharaon. Si je sais que je ne suis pas bon avec les chiffres, mais je pense que c'est ça. C'est 13. N'est-ce pas, Edan? 17 à 30, ça fait 13, n'est-ce pas? Il est bon en maths, lui. Alors, Joseph, donc, qui traverse toutes ces épreuves, la question qu'on se pose, c'est comment Joseph les vit. Parce qu'il y a d'autres textes dans la Bible qui nous expliquent un peu la même histoire, en particulier le psaume 105, qui raconte un petit peu l'histoire d'Israël, l'histoire de Joseph, et qui nous explique un peu comment Joseph vit ces choses-là. Donc, on commence notre texte en disant, « Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. » Autrement dit, quand est venu le temps de Dieu, où Dieu devait accomplir ce qu'il avait montré à Joseph quand il était dans la maison de son père, Dieu a fait quelque chose dans le palais du roi d'Égypte. C'est-à-dire, quand le temps de Dieu s'est accompli, Dieu a fait quelque chose. Mais entre-temps, avant que le plan de Dieu pour Joseph s'accomplisse dans sa vie, dans la vie de Joseph, voici ce que le psaume 105 nous explique. Ok, je l'ai lu dans différentes versions et j'ai préféré d'afficher la version de français courant. Mais les différentes versions disent pratiquement la même chose. Ça dit que Dieu provoqua la famine en Égypte et le pain vint à manquer. Mais il envoya un homme pour précéder ses frères, ses protégés plutôt. C'était Joseph qui fut vendu comme esclave. On lui imposa des chaînes aux pieds. Ici, on décrit la prison. On lui passa le cou dans un collier de fer jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva quel genre d'homme il était. Il fut prisonnier jusqu'au moment où la parole qu'il avait reçue de Dieu manifesta aux yeux des Égyptiens qui était vraiment Joseph. Joseph ici n'avait pas besoin d'aller produire des preuves pour démontrer qu'il n'a pas agressé la femme de son maître, mais il était en prison, attendant patiemment que la parole de Dieu, que ce que Dieu lui avait montré, ce que Dieu lui avait promis, ce que Dieu lui avait révélé, s'accomplisse dans sa vie. Si je lis le même psaume dans Louis II, qui est quand même la version la plus... la majorité dans la salle. Ça dit, j'aime aussi la manière que c'est expliqué dans Louis II, ça dit, au verset 19, 105-19, on serra ses pieds dans des liens, on les mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Qu'est-ce qu'il avait annoncé? Il avait annoncé à ses frères ce que Dieu allait faire avec lui. Donc, Joseph, donc, qui a les yeux fixés à ce que Dieu lui avait dit, et non pas aux circonstances très désagréables qui lui arrivent, reste attaché à ce que Dieu lui avait promis et que ses frères, en fait sa famille, n'avaient pas compris au moment où il expliquait cela à sa famille. Et ce qui m'amène à la lecture de Jacques. Parce que de quoi il est question ici? Il est question de Joseph qui s'attache aux promesses, mais qui vit les pires épreuves. Si on s'arrête un instant pour concevoir les épreuves que Joseph vit, Joseph est trahi, il vit la trahison. Il a été trahi par ses frères, haï par ses frères. Il vit une injustice où il est accusé à tort. Quand il est en Égypte, toutes les personnes dans la vie desquelles il intervient sont bénies. Il est apprécié pour ça, mais ça ne veut pas dire que ces gens l'aiment comme son père l'aimait. Il est en Égypte comme un orphelin de père et de mère. Il n'y a personne autour de lui qui soit vraiment ce que son père était pour lui. Il est trahi, il est haï, il est persécuté. Mais dans les récits qu'on a lus précédemment, nulle part, on ne nous présente un Joseph abattu, détruit par l'épreuve. Et pourquoi? Parce que étant dans la prison, étant esclave, il sait ce que Dieu lui a dit, il reste attaché aux promesses que Dieu lui a faites. Je vais vous lire Jacques. Jacques, vous n'êtes pas obligé d'y aller, très volontiers si vous voulez, mais je vais le lire pour vous. Et je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent si bien qu'ils pourraient le réciter. Jean-Claude en particulier, tu l'aimes beaucoup ce passage. Bon, vas-y donc, récite-le. Récite-le donc, le temps que je trouve... Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il fallait que la patience à laquelle Dieu a exposé Joseph accomplisse son œuvre. C'est pourquoi il est écrit jusqu'au moment où la parole qu'il a reçue du Seigneur prouva quel genre d'homme il était. Alors, revenons un peu sur Pharaon. Pharaon, ce n'est pas son visage, mais j'ai fait exprès de mettre ce visage-là. Parce que derrière le faste, derrière les masques, derrière les ors, se trouve un homme. Un être humain qui est comme nous, qui a des faiblesses comme nous, qui a des besoins comme nous. Et c'est ça des pharaons. Et des pharaons, il y en a dans nos vies. Derrière les apparences, il y a une âme. Okay? Lui ne connaît pas Dieu. Dieu lui parle. Ben, peut-être qu'il ne le connaît pas comme Joseph le connaît. Dieu lui parle dans un soin, il ne comprend pas. Il se réveille, il a le cœur troublé. Il est troublé, monsieur. Il expérimente les faiblesses de ses croyances parce que il fait appel à ses magiciens, ses devins, c'est ceux-ci qui ne peuvent lui expliquer, peuvent lui donner la révélation de ce que Dieu lui a dit. Mais il y a dans son entourage quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut l'aider. Est-ce qu'on a des pharaons comme ça dans nos vies? Indépendamment des apparences, les gros diplômes universitaires qu'on peut avoir, peu importe ce qui nous élève là, en tant qu'humain, il y a un cœur troublé. Quelque chose est arrivé, Dieu lui parle au travers de quelque chose, mais qui connaît quelqu'un qui vous connaît, qui dit, peut-être que tu pourrais parler avec elle. Lui, il reçoit ce témoignage. Il donne de la crédibilité à ce que son serviteur lui dit. OK, je vais l'écouter. Ce qui est plus impressionnant, c'est le contraste ici, c'est ce pharaon troublé quand il se réveille et Joseph qui sait qui il est, qui sait que Dieu l'aime et qui s'attache à ce que Dieu lui a dit. Ils ont vraiment des postures très différentes. Quand Joseph arrive devant Pharaon, là, il arrive devant une âme troublée, quoique assis sur un trône, quoique plein de pouvoir, d'autorité, mais à l'intérieur, là, il se passe des affaires. Et à l'intérieur de Joseph, il y a des convictions. Donc, il arrive. Pharaon lui dit, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph, regardez comment son assurance s'exprime. Pharaon lui dit, tu expliques un songe. Joseph dit, non, c'est pas moi. J'ai mis le point d'exclamation en rouge parce que je sais que Dan aime les coups de français. Hein? Quand on met une exclamation devant une phrase, ça veut dire quoi ça? Les jeunes gens qui font les coups de français là. Il y a comme une émotion derrière. Hein? C'est souvent, on est surpris. C'est une stupéfaction. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Donc, il est plein d'assurance parce qu'il sait que je suis devant quelqu'un, devant un roi, c'est Dieu qui m'y amène. J'aurai à répondre à des questions, j'aurai à expliquer, ça ne viendra pas de moi, ça viendra de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alors, voilà quelqu'un qui traverse des épreuves difficiles. C'est parce que moi, quand je suis dans l'épreuve, je n'ai pas cette assurance-là. Autrement dit, je perds de vue les promesses de Dieu pour nous. Pharaon, là, Joseph devant Pharaon, pourquoi je parle d'assurance? Ce n'est pas juste ces versets-là. Parce qu'il dit à Pharaon, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Je ne relirai pas toute la réponse complète que Dieu va donner à Pharaon. Mais quand on la lit dans les détails, c'est impressionnant la sagesse et les détails que Dieu va donner à Joseph de transmettre à Pharaon. Il va même aller jusqu'au détail de la quantité de blé, là, le 1/5, qu'il faut mettre à côté pendant les... Là. Il n'a pas préparé ça avant. Il est imperturbable. Imperturbable. Il explique à Pharaon ce qu'il doit faire. Il va au-delà. On lui a demandé d'expliquer un songe. Il explique le songe. Et donc la solution au problème, imperturbable. Alors, si je reviens à l'épreuve, à Jacques, moi quand je suis dans l'épreuve, On a parlé vendredi avec des jeunes ici, là. Moi, mon attitude, j'ai deux attitudes. Soit la rébellion, c'est-à-dire la contestation, la discussion, on n'en plus fini, ou le découragement. Ça se peut qu'il y en a d'autres qui m'échappent, mais ceux-là, au moins, je les connais. La rébellion, une rébellion sournoise à l'égard de Dieu. Jacob n'est pas dans le registre. Seigneur, peux-tu m'expliquer pourquoi à moi, vraiment là, pourquoi le malheur s'abat sur moi? Vendu par des frères, plus de famille ici en Égypte là. Je sais comme esclave, je fais tout pour te glorifier dans le service que je fais. Je suis mis injustement en prison. Pourquoi? Pourquoi tu t'assends sur moi? Pourquoi moi? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi? Je ne veux pas de cette vie-là. Tu sais que je ne veux pas de cette vie-là, mon Dieu. Pourquoi? Ou découragement. Bon, écoute. Fini. Je me livre à d'autres choses. Là. Pour quelques-uns, l'alcool. Pour d'autres dérives. Ou alors, chose que je ne fais pas, l'exemple de Joseph. Est-ce que quand je suis dans l'épreuve, on est capable de voir que je suis attaché aux promesses de Dieu? Ça ne veut pas dire que l'épreuve n'existe pas. Vendredi, quand on discutait avec les jeunes, le passage que l'André apportait, c'est, ça dit quoi, Edouard? Anna, c'était quoi le passage déjà discuté vendredi? C'était plus, hein? C'était dans quel livre déjà? Oui, Edouard. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Merci. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Sauf que dans sa version, et je lui ai dit, je suis sûr que c'est ta maman qui t'a donné cette version-là. Ça disait, faites toutes choses sans discussion ni contestation. Donc, moi, je me suis dit, sa maman est allée magasiner des Bibles. Elle a ouvert, elle est tombée sur ce passage. Elle a dit, ça c'est pour Edouard, je te l'offre ça. Faites toutes choses sans discussion ni contestation. C'est ce que Joseph fait. Et Joseph est un personnage tellement merveilleux parce qu'un jeune se reconnaît chez Joseph. Un roi peut se reconnaître chez Joseph. Un adulte se reconnaît chez Joseph. Un riche peut se reconnaître. Un pauvre peut se reconnaître. Mais son attitude, c'est une attitude « je reste attaché aux promesses ». Peu importe ce que je traverse. On va voir tantôt que ce n'est pas toujours facile, mais il reste attaché. Donc, la première attitude pour nous, puisque ces choses ont été écrites pour nous, à imiter ces Joseph, c'est ça. Restons attachés. Et on parle ici de Joseph qui va servir un maître terrestre mortel. Et les promesses qui nous ont été faites à Jésus, nous servons un maître puissant, éternel, immortel. Et ces promesses sont d'autant plus puissantes et supérieures que nous devons d'autant plus rester attachés, peu importe l'épreuve, le cœur attaché à la promesse. La deuxième attitude, c'est l'engagement total de Joseph. Ça, c'est épouvantable. On voit ça dans le chapitre qu'on a lu là, de 37 à 49. Je pense que l'engagement de Joseph, là, ça tient de quoi? Premièrement, voici les prérogatives que Pharaon va lui donner. Il y en a, on en parle dans le psaume 105, on en parle dans Genèse 41. Il est chef de toute son administration. Il est carrément vice-roi d'Égypte, maître d'Égypte. Il est chef des commissaires qu'il va établir dans toutes les villes pour gérer les récoltes pendant les 7 années d'abondance. Il est responsable de bâtir des silos, etc. Et ensuite, Psaume 105 nous dit, va un peu plus loin. Bien que, oui, ça reprend qu'il a été établi Seigneur sur la maison d'Égypte, mais ça nous dit que, afin qu'il pût à son gré enchaîner des princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Français courant va dire pour qu'il enseigne la sagesse à ses ministres et à ses sages, aux ministres du Pharaon et à ses sages. Voyez-vous à quel point Joseph va être impliqué, engagé dans la vie du royaume. Alors, cet engagement-là de celui qui est attaché aux promesses de Dieu. Prenons les choses terre à terre. Vous êtes pharaon, vous dites, je reconnais que l'Esprit de Dieu est chez toi. Tu es le seul parmi nous à qui Dieu a montré cette chose. Et tu sembles y croire, tu me dis que c'est si imminent que ça s'est répété deux fois, ça veut dire que ça va arriver. Y a-t-il vraiment une autre meilleure personne que toi pour le faire? Autrement dit, si tu y crois, fais-le, engage-toi, implique-toi, combat. C'est la même chose, Noé, on lui demande de construire une arche, tout va bien là. La Bible dit que les hommes se mariaient, ils mangeaient, ils buvaient, hein, et tout était correct là. Lui, il doit commencer à bâtir des silos, construire des maisons pour accueillir les blés. La famine n'est pas encore là, l'abondance. Mettre en place tout un système de gestion avant que ça arrive. Il faut y croire. Et la question qui se pose à nous, est-ce que tu crois? Si oui, comme Joseph, la foi, c'est une foi agissante en fait. Cette foi vient avec un engagement. Et est-ce que tu crois, parce que ici on parle encore une fois de Joseph qui va servir un maître terrestre. Okay? Est-ce que tu crois à l'œuvre de Christ? Tout ce que dit, Christ dit de toi, dit de nous, de qui nous sommes, que nous sommes une famille, la famille de Dieu, que Dieu a fait de toi un vice-roi de Christ, co-héritier, c'est-à-dire un co-héritier de Christ. Si tu crois, fais-le. Et c'est le défi de Joseph. Imaginez qu'il enseigne à ses sages, il enseigne la sagesse, on reconnaît l'Esprit de Dieu sur lui. On lui dit, ok, vas-y, fais-le donc. Il dit, non, moi je ne peux pas. Tu crois ou tu ne crois pas? À quoi servirait-il de prêcher quelque chose que tu n'es pas prêt à vivre? Donc, la deuxième attitude, c'est l'engagement. L'engagement total. Et on le voit là, on le voit si on relit le texte à partir du verset... 47, où Joseph va s'engager à mettre en œuvre tout ce qu'il a dit à Pharaon. À partir du verset plutôt 46, hein, il va s'engager à le mettre en œuvre. C'est pas arrivé là, ce qu'il a annoncé, mais il faut qu'il commence à se préparer dès maintenant. Et tout de suite, comme quelqu'un, Jean-Claude, faisait remarquer vendredi, là, dès qu'il finit avec Pharaon, là, il fait quoi? Il part où? Visiter l'Égypte, apprendre à connaître les terrains où Dieu l'a placé pour savoir comment je vais le faire, comment je vais servir le Seigneur ici. Et tout de suite, il n'attend pas. Il faut vraiment y croire. Il faut croire à ton affaire pour faire ça. Il faut y croire. C'était pas des hypothèses qu'il faisait devant Pharaon là. Il y croyait. Alors, la deuxième attitude, c'est l'engagement. Première attitude, je reste attaché aux promesses. Deuxième, qu'on veut imiter chez Joseph, l'engagement. Si je crois, je m'engage. La troisième et la dernière, les actions de grâce ou la reconnaissance. Je vais le lire. Au verset 50, ça dit, « Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes les peines et toute la maison de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans mon pays, dans le pays de mon affliction. » Oui, on dit que Joseph est attaché aux promesses, mais Joseph nomme ici quand même l'affliction. Je ne dis pas qu'il était de toute joie en prison, ou dans tout ce qu'il vivait, il était houhouhou. Il nomme l'affliction. Il dit le pays de mon affliction. Ce que ça veut dire, c'est que quand il s'engage avec Pharaon, ce n'est pas tant parce qu'il aime l'Égypte, ou tant parce que on le voit pas, ce qui est dans son cœur, c'est pas de, on ne le voit pas jubiler du fait qu'il est nommé vice-roi. J'étais prisonnier hier, je suis vice-roi, c'est pas ça. Il n'en fait même pas aucun cas. Ce qui l'intéresse, c'est de faire ce que Dieu lui a montré et de le faire rapidement. Parce qu'il dit, Dieu se hâtera d'exécuter. Il n'en fait même pas aucun cas de sa nomination. Il reçoit des vêtements de roi, des anneaux au doigt. Mais reste, ce qui reste dans son cœur, c'est ce que Dieu veut de lui, ce que Dieu lui a montré. Et il appelle l'Égypte pays de mon affliction. Donc, ce n'est pas par une grosse affection pour l'Égypte qu'il s'engage autant. OK? Il s'engage parce que Dieu l'a placé là pour servir Dieu. De même que Dieu nous a placés dans l'Église pour servir Dieu dans l'Église, dans son Église. Alors, cette affliction-là, Joseph ne va pas rester dedans par contre. Malgré qu'elle est intense, malgré qu'il y a des blessures profondes, familiales, des persécutions, des emprisonnements injustes, au moins 2 ans, il ne va pas rester dedans. OK? Et ce qu'on voit, c'est que quand il a un enfant, qu'est-ce qu'il dit? Manassé. Manassé qui veut dire quoi? Oublier. Oublier. C'est pas facile la chose que Joseph oublie. Des fois, c'est pas facile les choses que nous sommes appelés à oublier. Ou que nous sommes appelés à pardonner. Que nous sommes appelés à mettre derrière. Que nous sommes appelés à éloigner de nous. Oublier, il dit, la maison de mon père. C'est gros, là. Si on retourne lire l'histoire, c'est gros. Tes frères qui te lient, qui te jettent dans une citerne, qui te vendent, qui te haïssent. Il dit, Manassé. Autrement dit, le cœur de Joseph n'est pas tourné vers ce qu'il y a derrière. Il est en plein dans ce que Dieu lui donne aujourd'hui. Et il vit pleinement la bénédiction que Dieu lui donne. Et des Manassé, nous en avons beaucoup dans nos vies, n'est-ce pas? Des bénédictions d'aujourd'hui. Il ne dit pas, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne sais plus trop là. Je comprends plus, Seigneur. Non, mais c'est parce que ses yeux sont ouverts sur ce que Dieu fait avec lui. Et c'est ça qui intéresse Joseph. Et cette action de grâce, cette reconnaissance, il la transpose dans les noms de ses enfants. Il fait encore un enfant, il l'appelle Éphraïm. Dans le texte ici, Éphraïm, il dit 52. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Mais les mêmes affaires sont expliquées dans d'autres passages. Si vous regardez Ézéchiel 47, 13, là. Éphraïm, littéralement, veut dire double part ou double reconnaissance. Ça veut dire une double part. Et Ézéchiel nous explique, en fait, ce n'est pas mon thème, je ne vais pas aller dans le sujet, que effectivement, il va avoir une double part. Donc, c'est une reconnaissance prophétique ici. Dans l'héritage de la maison de son père, là, les deux enfants ici vont être considérés comme des héritiers directs de Joseph. On va voir ça dans les prochains jours. Donc, il va avoir une double part. Il s'est réjoui d'avance de ce que Dieu va faire pour lui, de ce que Dieu lui dit, de ce que Dieu lui annonce. Il s'est réjoui aujourd'hui des bénédictions d'aujourd'hui. Il oublie le passé. Il se réjouit d'avance des promesses à venir et il oublie encore plus le passé. Est-ce que c'est possible avec nous? Genre. Ça veut dire quoi, oui? En français, je sais. Mais véritablement, spirituellement, ça veut dire quoi, oui? Peux-tu donner un micro à Jean-Claude et tout, s'il veut pas, oui? Je voulais juste ajouter le fait que tu parles de la double bénédiction maintenant, mais dans la pensée de Joseph, c'est qu'il connaît la finalité de ce qui est en train de se passer. Il y a une promesse qui est faite à Jacob qu'ils vont hériter du pays d'Égypte, du pays de Canaan. Il y a une promesse qui est faite à Abraham, Dieu avertit Abraham, que son peuple doit aller en Égypte pendant 400 ans. Il le sait, ça aussi, Joseph. Fait que pendant qu'il vit ce qu'il vit, il sait aussi que la famine va se répandre sur tous les pays voisins. À quelque part, là, il n'y a pas juste les yeux sur les bénédictions présentes, il y a aussi les yeux sur les bénédictions à venir. Il le sait parce que quand il va mourir, il va demander à ses frères de ramener ses os 400 ans plus tard avec eux quand ils vont rentrer dans la terre promise. Donc, il ne vit pas juste dans le présent. Mm-hmm. Et nous, on a des promesses éternelles aussi. Amen. Et nous, on a des promesses éternelles. Il n'est tellement pas attaché à l'Égypte, là, que, comme Jean-Claude dit, on va le voir dans chapitre 45. Il ne veut même pas que ses os restent là. Il est tellement ancré dans son cœur, dans les promesses de Dieu, qu'en Égypte, il sait, il s'attache à ce que Dieu avait promis à son arrière-grand-père Abraham. Et il dit, en vertu de cette promesse-là, quand Dieu va vous visiter, qu'il va vous sortir d'ici, on va voir ça avec Philippe, laissez pas mes os ici. Ça donne une idée à quel point ce n'est pas tant l'Égypte. C'est ce que Dieu l'a amené à faire en Égypte. Et ce n'est pas tant pour les Égyptiens. Même si les Égyptiens en bénéficient, il est le précurseur d'un plan que Dieu a pour Israël. Donc, double reconnaissance, double récompense, oublié. Éphraïm, Manassé. De la bouche de quelqu'un, moi je n'en revenais pas quand je lisais ça, de la bouche de quelqu'un qui a vécu une trahison familiale intense, immense, rejetée. Alors, dans 1 Thessaloniciens, 16 à 19, il nous est dit ceci. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie de chrétien ou avec Jésus. Et quand on ne fait pas ça, là, on fait l'inverse de ce qui est écrit en bas quand ça dit « Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. » Quand on ne remercie pas le Seigneur en toutes circonstances, quand il y a des manassés qu'on ne les reconnaît pas parce qu'on est encore anxieux, je ne sais pas trop, fruit de la chose d'hier ou d'avant-hier ou de ce matin, alors que des manassés suffit d'ouvrir les yeux parmi dans nos vies. Dieu en rajoute à chaque jour. Mais quand on se demande comment ça va, on dit « bouf, ça ira. Ça ira peut-être. » En résumé, j'en ai fini. Donc, trois attitudes de l'exemple de la personne de Joseph. C'est sûr que à partir de maintenant, Joseph, on va le voir en vice-roi, le Joseph prisonnier, on le laisse derrière. Mais comment il a traversé cette période de sa vie, c'est quand même 13 ans dont on parle ici. 13 ans de difficultés. Si moi je vivais ça pendant 13 ans, alors au bout de 13 ans, je ne sais pas, peut-être que n'eût été Dieu, je démissionnerais. Okay? J'abandonne. J'abandonne. C'est comme ça qu'on réagit quand on vit l'épreuve. On conteste, on abandonne, on est près de la porte, on est près de partir, on ne veut plus rien savoir, on claque la porte. Est-ce que je me trompe, Edan, quand je dis ça? Ça dépend. Moi, j'abandonne. 13 ans. Mais non, il ne faut pas. Persévérer, rester attaché aux promesses. Ce que Dieu a dit, comme Joseph l'a dit là, Dieu se hâtera d'exécuter ce qu'il t'a promis. Dieu se hâtera d'exécuter ce qu'il nous a montré, ce qu'il nous a promis, ce qu'il nous a révélé. Il ne tardera pas. Le sachant, nous sommes engagés à les servir ensemble dans une parfaite communion dans l'Église. Même s'il y a des afflictions qu'on peut nommer, qu'on peut nommer, je veux dire, écoute, non, le Québec n'est pas le pays de mon affliction. Non? Ouais, c'est plein de menacés pour moi au Québec. Mais même s'il y a des zones dans notre vie, dans notre journée, qui peuvent être des zones d'affliction, c'est pas là le cœur. Le combat, c'est de que Dieu nous aide à enlever le cœur de là, pour le placer dans ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que les menacés, c'est des épreuves pour travailler notre patience jusqu'au jour où il va accomplir ce qu'il nous a dit, n'est-ce pas? Et ensuite, soyons reconnaissants. Action de grâce. Quand c'est menacé, disons menacé. Merci Seigneur. Tu m'as fait oublier, pas juste dire, oublions vraiment. Et pardonnons-nous vraiment réciproquement. Amen.